La cicatrice par Daniel Le Sueur. Chapitre 1er. Tu es bien sûr de ton cœur, ma chérie? Tu n'aimes plus Louis de Le Sort? Jeanne de Contry secoua la tête. Je ne puis plus et ne dois plus l'aimer. Une aussi sombre réponse ne saillait guère aux lèvres qui le prononçaient. Mademoiselle de Contry avait 22 ans. Elle était belle et riche. Par ce jour d'hiver où elle marchait à côté de sa cousine Raymonde, dans une allée du bois de Boulogne, son costume de drap sombre et de fourrure faisait ressortir l'éclat de son teint, que l'air vif fardait de rose et l'ambre clair de ses cheveux. Élancée d'une silhouette élégante, elle semblait faite pour cet amour qu'elle repoussait. Les deux jeunes filles se dirigeaient vers le patinage réservé du petit lac. Il gelait depuis le commencement de décembre. Les arbres du bois groupaient leur nudité fine sur un ciel de ouate, qui, du côté où l'on devinait le soleil, se dorait comme s'il eût mal voilé de célestes orfèvreries. À quelque distance en arrière des deux cousines, une femme de chambre portait leur patin. Ainsi, reprenait Raymonde, cette résolution est irrévocable. Tu romps des fiançailles de 3 ans. Je n'ai jamais été fiancée officiellement à monsieur de Le Sort. Non, pas pour le monde, mais lorsque le lieutenant est parti au Soudan, il avait ta parole, celle de ta mère, ma pauvre mère. Pardonne-moi, ma chérie, je réveille ta douleur, mais songe combien elle désirait ce mariage. Ah, tais-toi. Un silence attristé suivit. Madame de Contry, 2 ans et demi auparavant, avait trouvé une mort affreuse dans la catastrophe du bazar de la Charité. Sa fille avait failli périr en essayant de la sauver. Jeanne, longtemps malade de la commotion morale, aussi bien que de sérieuses brûlures, avait été soignée par sa tante, la mère de Raymonde. Depuis lors, elle ne les avait pas quittés, mais le souvenir du jour effroyable tuait la joie de sa jeune vie. « Voilà pourquoi, murmura-t-elle, je ne puis plus espérer de goûter le bonheur, ni de le donner à un autre. »« Une Contry, » fit observer Raymonde. « Tu devrais montrer plus de force, toi qui descends d'une race de héros. » Louis de Le Sort, dans ses combats d'Afrique, a vu lui aussi des choses sanglantes et terribles. Renonce-t-il pour cela à l'amour? Il fut blessé, comme toi, il en porte la marque, dans une cicatrice sur le sourcil, elle l'embellit, dit Jeanne avec vivacité. Raymonde regarda sa cousine et sourit légèrement. Chapitre 2e. Les promeneuses arrivaient au grand lac. Elles suivirent une des allées qui le contourne. Entre la pente gazonnée de la rive et l'île où s'élève le chalet-restaurant, les patineurs et les traîneaux couvraient la nappe gelée de taches fuyantes qui se mêlaient, se séparaient, filaient isolément dans une agitation multiple et vertigineuse. Sur la chaussée couraient des équipages, coupés bien clos, Victoria débordante de fourrure, d'où émergeaient des visages roses, automobiles dont les conducteurs, aux corps informes et velus, aux yeux voilés de lunettes noires, semblaient des ours très chics sous la casquette Kronstadt. Après un long silence, la voix de Raymonde prononça timidement « Jeanne, puisque je suis sûr à présent que tu n'épouseras pas monsieur de Le Sort, je vais te faire une confidence. » Tu peux me rendre, chérie, un immense service. » Le ton vibrait d'un tremblement singulier. Mademoiselle de Contry pâlit un peu. Parle. Voilà. J'étais imprudente. Tu refusais depuis son retour d'aller au tournoi de tennis, aux garden parties, aux soirées, où tu rencontrais le lieutenant de Le Sort. Moi, je l'ai vu souvent. Jeanne tressaillit, se retourna, regarda fixement sa cousine. Écoute. Tu ne m'en voudras pas puisque tu ne l'aimes plus. Je lui écris. Et maintenant cela me trouble. Je voudrais rentrer en possession de cette lettre. Toi seul peux la lui redemander. Moi ? S'exclama Jeanne avec un accent indéfinissable. Sans doute. Je ne puis m'ouvrir à personne d'une pareille inconséquence. Je t'en prie, ma chérie. Ne me juge pas mal. Ne refuse pas. Nous allons sûrement tout à l'heure rencontrer monsieur de Le Sort. En patinant avec lui, réclame cette lettre. Sa réponse, tu jugeras de ses sentiments pour moi. Tu ne les connais donc pas. De quel ton tu me dis cela? Tu l'aimes encore? Jeanne éclata d'un rire nerveux. Je t'assure que non, et je crois même ne l'avoir jamais aimé. Alors, tu redemanderas ma lettre, je te le promets. Sous le long hangar où la foule se pressait autour des marchands de boissons chaudes et des loueurs de patins, Raymond de Mauvaret chauffait à un brasero ses pieds minces dans les bottines lacées. Ses yeux, attachés au loin, suivait, parmi la blancheur vaporeuse du décor, un double point mouvant. L'anxiété crispait ses traits délicats. Là-bas, Vers l'autre extrémité du lac, Jeanne de Cantry patinait avec Louis de Le Sort. Quelles paroles s'échangeaient entre eux ? « Je comprends que vous teniez à cette lettre, » disait Jeanne avec une hauteur un peu amère. « Cependant, il est des prières de femmes qui se font des ordres pour un galant homme. »« Mon Dieu, » balbutia-t-il, « comment a-t-elle pu vous choisir pour messagère ? Craignez-vous que je surprenne le secret de ces lignes ? Vous ne me faites pas l'injure de penser que j'ouvrirai une enveloppe ?»« Non, certes. » Il prononça ces deux mots faiblement. Sa loyale figure, où il y avait de la candeur avec de la martialité, laissait transparaître une inquiétude assez offensante pour Jeanne, mais irrésistible chez lui. Jeune officier qui, à peine sorti de Saint-Cyr, était parti pour la vie hasardeuse du désert, les surprises des sauvages, les étapes dans les sables et les nuits dans la brousse, il s'effarait devant l'inconnu des âmes féminines et parisiennes. Il savait bien que lui, le lieutenant Louis de Le Sort, serait mort devant un pli cacheté qu'il aurait su contenir sa fortune plutôt que de l'ouvrir, si on lui confia son honneur. Mais était-ce là le code d'une jeune demoiselle fraîchement émoulue de pension ? Ah ! Soupira Jeanne, comme vous avez peur de voir cette lettre entre mes mains. Je vous la remettrai, mademoiselle, finit-il par dire, j'ai confiance en votre délicatesse. Quand me la donnerez-vous ? Ce soir, je dîne chez madame de Montvaret, votre tante. Je trouverai moyen de vous la glisser sans qu'on y fasse attention. C'est entendu, monsieur, dit Jeanne avec une froideur plus glaciale que l'air piquant et givré où vibrèrent ces deux mots. Veuillez me ramener, je vous prie. Elle s'élança si impétueusement sur la glace que, surpris, il put à peine suivre ce vol farouche d'oiseaux blessés. Chapitre 3e. Le lendemain, vers 2 heures de l'après-midi, Raymonde entra dans le petit salon et l'entendait Jeanne occuper un exercice de piano. « Pardon de te déranger, lui dit-elle, mais hier tu m'as remis sans un mot ma lettre à Louis de Le Sort, et ce matin tu m'as fait une mine si étrange que je viens te demander une explication. » Tout en parlant, mademoiselle de Mauvaret regardait à la dérobée du côté d'une glace en tain contre laquelle descendait un store. Peut-être avait-elle, par l'écartement de ce store, surpris dans la pièce voisine une présence insolite, mais rassurée sans doute, elle se tourna entièrement vers sa cousine. « Quelle explication veux-tu ? » demanda Jeanne. Celle-ci, toute pâle, s'est adressée. L'éclat pénible de ses yeux démentait le calme de sa voix. « Mais, si tu t'étais trompé toi-même en assurant que tu n'aimais plus Louis, si maintenant tu éprouvais de la jalousie contre moi, je serais désolée. Jalouse de toi ?» L'intonation sur les lèvres tremblantes voulut être dédaigneuse, mais des larmes perlèrent sous les cils. « C'est dur. » murmura Jeanne, de perdre une sœur, voilà tout. Que veux-tu dire ? La question n'est pas de savoir si j'aime ou si je n'aime plus, monsieur de Le Sort. Mais toi, au moment où tu me considérais encore comme sa fiancée, tu m'as volé son cœur. C'est ta trahison qui me déchire. Ma trahison ? Tu m'assurais que tu ne l'aimais plus. Tu croyais le contraire, puisque tu me questionnais hier encore. Tu savais bien. Qu'est-ce que je savais ? Ma chérie, parle-moi, dis-moi la vérité. Elle voulut entourer sa cousine de ses bras. Celle-ci l'écarta presque avec violence. « Eh, tu la connais, la vérité ?»« Comment ? Tu l'aimes toujours ?»« Oui, je l'aime. Épouse-le. J'entrerai au couvent. Ni toi, ni lui. Je ne vous verrai plus. »« Jeanne, » dit Raymond avec une grande douceur, « voici la lettre que j'écrivais à monsieur de Le Sort. Ouvre-la et lis. » Ce regard, cet accent. La colère douloureuse de Jeanne tomba. Elle pressentit on ne sait quel invraisemblable retour des choses. Elle décacheta l'enveloppe, parcourut quelques lignes et jeta un cri étouffé. Voici ce qu'elle avait sous les yeux. « Cher monsieur, votre amour pour ma cousine assure qu'il n'a plus que moi comme recours. Hélas, moi-même, je me bute contre sa résolution obstinée. Si vous saviez son secret, tel du moins que je le devine, peut-être vaincriez-vous sa résistance. » Cet espoir m'engage à trahir ce que je soupçonne de sa pensée intime. Vous savez quel fut l'héroïsme de Jeanne au bazar de la charité. Elle souffrit longtemps de ses brûlures. Une d'elles lui laissait à la tête, en arrière de l'oreille, une cicatrice fort marquée, dévastant comme un irréparable coup de faux sa jolie chevelure blonde. Dès que sa coiffure se dérange, ma pauvre cousine porte la main à cette place par un anxieux mouvement, comme pour recouvrir ce qu'elle imagine sans doute plus pénible à voir que cela n'est réellement. Le sentiment de cet accidentel défaut physique, et ce sentiment seul, j'en ai la conviction, éloignez de vous votre fiancée. Rien ne m'ôtera de l'idée qu'elle vous aime toujours. Son âme ardente et profonde vous appartient. Mais elle ne veut pas vous livrer une beauté atteinte, humiliée. Maintenant, vous connaissez le délicat mystère. Pensez-vous que votre amour en puisse être diminué ? Raymond de Mauvaret. Au-dessus de cette lettre, Jeanne de Cantry leva un visage plus blanc que le papier. « Qu'a-t-il répondu ? » demanda-t-elle dans un souffle haletant. « Qu'il t'adore, folle chérie, en pouvais-tu douter ? » « Ah, gémit la pauvre amoureuse, c'est qu'il n'a pas vu. Non, je ne veux pas qu'il voie. Je ne m'y résoudrai jamais. » Chapitre 4. Elle cacha sa figure dans ses mains et pleura. Elle pleurait la laideur du sillon dénudé dans la moisson de ses cheveux d'ambre fluide. Tout à coup, sur sa tête, elle sentit errer des mains légères. Sa cousine lui retirait ses épingles d'écailles, déroulait la torsade, écartait les bouclettes soigneusement tassées. « Oh !» gémit Mademoiselle de Cantry, les yeux toujours voilés par ses doigts humides de pleurs. « N'est-ce pas, chérie, que c'est affreux ?» Une voix mâle et tendre lui dit à l'oreille. « Votre beauté en resplendit mieux pour mon cœur. » Bouleversée, Jeanne se tourna. Louis de Le Sort, que Raymond venait d'appeler d'un signe, par le défaut du store, était entré sans bruit, tandis que son adroit allié dénouait les cheveux de la jeune fille en larmes. Il avait vu la marque cruelle, et c'était vrai. Son amour s'en était accru. Jeanne n'en douta pas la ferveur qu'il mit à s'agenouiller auprès d'elle. « N'ai-je pas, moi aussi, ma cicatrice ? » dit-il, en portant la main à son front. « Oh, pour vous, c'est une parure de la gloire. Et pour vous, une parure d'héroïsme ?» Elle sourit dans son chagrin. « Cette parure-là, si je deviens votre femme, je tâcherai que vous ne l'aperceviez pas souvent. Jamais. Si vous voulez me laisser faire, comment cela ?» Louis attira un peu sa fiancée vers lui, et parce qu'il était à genoux, leurs têtes se trouvèrent à la même hauteur. « En me permettant, murmura-t-il très bas, de la cacher avec mes lèvres. » Jeanne de Cantry ne craignit plus d'être moins aimée quand elle sentit ce baiser sur la disgrâce de sa blessure. C'était « La cicatrice » par Daniel Le Sueur.